Chaque jour je me dis pourquoi le temps passe si vite. Je regarde mon fils, je me vois avec ce qu'il a pas civil. En bas du bas de feu split, les reins solides, l'air insoumis. La nuit a craché mes rhapsodies, le verre impoli à la hauteur sur chaque CD. Tellement Black Power que je rêvais de la plaque CP. Je compte pas céder, têtu depuis la classe CP. Jusqu'à fêler qui fout dans le plat à ses pieds. On peut pas accepter, non on peut pas se laisser faire. Ils ont pas attendu la FN pour nous passer les fers. Il s'agit de faire des efforts, se battre ou se taire. Apprendre à communiquer même s'ils ont pas essayé faire. Ça peut déplaire, comme les impôts qu'on déclare. Ou finir dans les bras comme des frères. À réduire l'écart, c'est qu'une question de vision, de point de vue, mais vu ce qu'on vit, c'est qu'une question de point de chute. Chaque jour je me dis, à croire que je suis maudit. La poisse m'a pris en chasse comme une scie mobile. Chaque jour je me dis, faut que je fasse mon trou, fasse mon truc. Leur compte à tous que j'ai des faces qui tuent. Chaque jour je me dis, à croire que je suis maudit. La poisse m'a pris en chasse comme une scie mobile. Chaque jour je me dis, faut que je fasse mon trou, fasse mon truc. Leur compte à tous que j'ai les faces qui tuent. Dans la cave c'est le zoo, que des cas sociaux. Des tas de soucis très tôt, beaucoup se cassent sociaux. Taf faut la cave aussi, si un cas son signe. Fini en cage quand on prend pas gare au Schmitt. Mais gare au shit, astuel la tâche bullshit. Mon possible est appliqué dans tout un tas de boucheries. Ça sent le roussi, y'a que le cash pour te faire bouger. Tu te feras bouffer comme une cuillère sur une flamme bougie. Les yeux rouges, les joues creuses, pas besoin de légiste qui nous crève. C'est pas la malédiction de l'Égypte pour comprendre le scénario. Pas besoin d'être cinéphile pour dénicher les faux. J'ai plus de flair que la brigade cynophile. Ouais mon frère, j'ai te bouffé comme un filet aux fiches. Ces fils au sommet de l'état veulent pas filer mon fric. Fidèle au poste, dans tes enceintes les watts s'animent. Alors pourquoi chaque jour je me dis à quoi ça arrive. Chaque jour je me dis à croire que je suis maudit. La poisse m'a pris en chasse comme une scie mobile. Chaque jour je me dis, faut que je fasse mon trou, fasse mon truc. Leur compte à tous que j'ai les faces qui tuent. Chaque jour je me dis à croire que je suis maudit. La poisse m'a pris en chasse comme une scie mobile. Chaque jour je me dis, faut que je fasse mon trou, fasse mon truc. Leur compte à tous que j'ai les faces qui tuent. Je les vois mépriser, mes pieds de la tête aux pieds. C'est triste, ouais, dire que ce matin je pensais être OP. Ma petite repée Nike, ma veste red skin, ça m'attrespire. Je vais pas braquer la banque Rothschild. C'est pour mes OG, on s'en prie qu'on jette. Comme je dis, ça pue des fesses comme une orgie sans schneck. Est censé être drôle, escroc. Ton système, je le baisse au chrome comme Destro. Baisse les yeux MC, je perce les cieux, j'aime ça. Si les immigrés gênent, partent chez eux, merci. C'est pas la fête, je suis dans une sale affaire. Ils ont tous un pois chiche dans la tête comme les falafels. Comment éteindre la flamme, je me le dis chaque jour. Je suis pris en flaque, trop subversif comme Tupac Shakur. Je leur tire mon chapeau, égrène mon chapelet de château. Rouge, je suis pris au piège jusqu'à Châtelet. Ouais, pris au piège mon pote. Aïe aïe aïe. Chaque jour je me dis, il faut que je fasse un truc. Hein. Chaque jour je me dis, à croire que je suis maudit. La poisse m'a pris en chasse comme une scie mobile. Chaque jour je me dis, faut que je fasse mon trou, fasse mon truc. Leur compte à tous que j'ai les faces qui tuent. Chaque jour je me dis, à croire que je suis maudit. La poisse m'a pris en chasse comme une scie mobile. Chaque jour je me dis, faut que je fasse mon trou, fasse mon truc. Leur compte à tous que j'ai les faces qui tuent.